Lundi, dans une nouvelle semaine d'Assemblage requis, François Landry vient nous parler de politique fédérale. Et dans la chronique technologique CNX, on fait le tour du net. Assemblage requis, lundi, 15h.